les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le mystère de Moulinsart, toute une région vit dans la terreur, prétend un journal local. Il exagère quelque peu. Mystère, il y a, oui, c'est certain. Et pourquoi n'y aurait-il pas de mystère? Les vitres, les glaces qui se brisent bizarrement dans une aventure de Tintin. On se le demande par les moustaches de Plexiglas. On aimait bien la Sildavie, le sceptre de Tokar, n'est-ce pas? Dans l'affaire Tournesol, nous ne sommes guère plus pour un pays que pour un autre. Sauf que si, tout de même, notre rejet de la bordurie est total. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes qu'aux épisodes 5, 6, 7 et 8, diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale, les 14, 16, 18 et 21 mars 1961. L'aventure, mais aussi, indispensable, le courrier des lecteurs, ou plutôt des auditeurs. Mais les auditeurs sont des lecteurs et ils exigent la plus grande fidélité aux albums de Tintin. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions changer, disent les adaptateurs. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, cinquième épisode. Au château de Moulinsart, les objets de verre continuent à se briser mystérieusement. Les dernières victimes, le miroir de la salle de bain du capitaine et un verre à dents. Enfin, tout le contenu d'un camion livrant du lait en bouteille se répand devant la grille du parc. Haddock et Tintin se précipitent, croyant à un accident de la route. Devant l'entrée, un camion lactasse, une mare de lait et un livreur gémissant qui raconte son aventure à nos deux amis. Milou, lui, s'intéresse de très près au lait qui n'en finit pas de couler. Je n'y comprends rien. Je roulais tranquillement comme d'habitude. Tout à coup, juste comme je passais devant votre grille, patatras, un bruit terrible. Et vous voyez le résultat, toutes mes bouteilles brisées, tout mon lait par terre. Une vraie catastrophe, et sans raison, comme ça, subitement, comme par magie. Oh, bon sang, quelle histoire. Qu'en dites-vous, Tintin? Ben, je trouve ça curieux, capitaine. Rappelez-vous, c'est exactement ce qui est arrivé à cet animal de Séraphin, l'Empion. Ah, ouais, c'est étrange. Voyez-vous, je me demande... Attention, garez-vous! Et là! Chauffard! Écraseur! Ivrogne! Moulagon! Oh! Dupont! Oui, c'est nous! Bonjour! Bonjour, bonjour! La gendarmerie nous a mis au courant des événements de cette nuit, alors nous voici pour l'enquête. Oui, je dirais même plus. Eh bien, vous tombez à pic. Ça, on peut le dire, oui. Regardez d'abord ça. Eh? Tiens. Ah, du lait, à ce qu'il paraît. Une mare de lait, Dupont. On ne peut rien vous cacher. Ce brave homme roulait tranquillement. Il passe devant la grille du château. Crac! Ses bouteilles se brisent comme ça d'un seul coup. Hein? Qu'approchez-vous? C'est-à-dire que... Au premier abord, si... Au premier abord, oui. Au premier... Dupont, c'est prématuré de faire une hypothèse, n'est-ce pas? Voilà, j'allais le dire. Bon, alors venez jusqu'au château avec nous. Nous reprendrons l'histoire depuis son début. Ça me paraît indispensable. Allons-y. Au revoir, mon ami. Bonne chance, monsieur. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous nous prévenez. Merci, messieurs. Alors, capitaine? C'est hier soir que tout a commencé. Nous avions été surpris par l'orage et nous venions de rentrer au château. Ah, voilà le professeur Tournesol. Mais où va-t-il avec sa petite valise? Soyez tranquille, capitaine, nous allons le lui demander. Savoir interroger, c'est l'ABC du métier, n'est-ce pas, Dupont? Bah, voyons. Eh bien, Trifon, vous partez en voyage? Ah non, mon ami, car je pars en voyage. Ouais. Une chose est d'or et déjà certaine, Tournesol n'a pas son sonotone. Alors, où allez-vous comme ça? Ah, beaucoup moins loin, je prends l'avion pour Genève, où je dois assister à un congrès de physique nucléaire. Mais vous ne nous en aviez pas parlé. Ah non, non, non, non, non, pas pour longtemps, 2 ou 3 jours au plus. Mais je vous quitte, j'ai tout juste le temps d'attraper le train de 11h42. Allez, au revoir mes amis, au revoir, et à bientôt. Hein. C'est ça, bon voyage, professeur. Bon voyage. Ah, au revoir. Voilà un qui reste totalement étranger à ce qui se passe. Oui, et pourtant je lui trouve un air plus préoccupé que d'habitude. Ah, vous croyez? Mais il me semble, oui. Le cher et attendrissant Tournesol s'éloigne. Il est vêtu de son cache-poussière vert et coiffé d'un chapeau rond vert également et tout neuf. Dans une main, une petite valise, dans l'autre, son parapluie noir. Ah, Le voilà maintenant sur la route qui conduit à la gare. Des tas de problèmes se heurtent dans sa tête et il reste indifférent au charme de cette route campagnarde. Il ne voit même pas une grosse Mercedes noire arrêtée sur le bas-côté à une centaine de mètres et qui paraît l'attendre. Attention, le voilà. Oui. Prépare le flacon de chloroforme. Il lui en faudra pas beaucoup à ce petit bonhomme. Bonjour, monsieur Tournesol. Bonjour, monsieur Sanso. Vous allez au village de Paris? Ah non, pas à Paris, non, à Genève, oui. Il me faut d'abord prendre le train de 11h42 au village. Eh bien, montez, ça vous épargnera toujours un bout de chemin. Oh, merci, mon ami. Allez, en route. Par les moustaches de plexiglas, c'est raté. Ah, ce boucher avait bien besoin de passer juste au moment où nous allions ici. Il nous l'a enlevé sous le nez, d'accord, mais le professeur restera pas toujours dans la camionnette de la boucherie sans eau. Et alors par notre vénéré plexiglas, t'as raison. En route. La grosse Mercedes noire fait demi-tour et s'éloigne. Voilà encore deux personnages dont il va falloir se méfier. En attendant, regagnons le château, où Haddock termine en ce moment le récit des récents événements. Ça alors, renversant, sidérant... Eh oui, messieurs, voilà toute l'histoire. Vous y comprenez quelque chose? Ben, c'était dit à... Eh ben, moi j'y renonce. Laissez-nous faire, capitaine, pour commencer... Mais pour commencer, messieurs, est-ce que vous avez une idée? Nous allons réfléchir. Ah, bon. Indispensable, ah, salut, bon, indispensable. Eh bien, c'est ça, réfléchissez. Je ne vous demande qu'une chose, pourtant. Mais alors, avec insistance, n'ébruitez pas cette affaire. Oh, capitaine... Bah, vous comprenez, je ne voudrais pas que Moulinzard attire les badauds. Je tiens à ma tranquillité, moi. Bravo! Mais bien sûr, capitaine, vous pouvez compter sur nous. Motus et Mouscousus, c'est notre devise. Motus et Mouscousus, c'est votre devise. Je vous remercie. Bah, je vous reconduis, messieurs, si vous voulez bien. Merci, Tintin. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, et surtout de la discrétion, n'est-ce pas? Faites-nous confiance. Ouais, comme des cartes. Mais... agissant. Sévère, mais juste. Hardi, mais circonspect. Fier, j'ai Rubicon. Nous sommes deux compagnons. Les braves Dupont. Eh bien, messieurs, vous faites une belle sortie, comme au théâtre. Compliments, et à demain. À demain, Tintin, et ne vous laissez pas abattre. Nous veillons. Adieu. Au revoir. Oh, ouf. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Jean Carmet et Jean Bellanger, les Dupont, Jacques Dufilot Tournesol, Jacques Aveline le laitier, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nazil l'homme au crâne rasé, Marcel Lestan le boucher sans eau, avec Milou. Chef opérateur du son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production Josiane Clem, réalisation René Villemet. Bonsoir à tous les amis de Tintin. Nous répondons tout de suite à une jeune auditrice de Frontignan en la remerciant pour ses dessins. Oui, Monique Couret a imaginé un curieux martien amateur de saxophone et un autre amateur, non pas de whisky comme Haddock, mais de muscade Frontignan. Entendu Monique, ta demande est enregistrée. Toutes les amitiés de Tintin et de ses compagnons. Merci aussi à Michel Mazuret de Brest. Que nous rassurons tout de suite, il n'est jamais trop tard pour demander son inscription pour le dessin original d'Hergé réservé aux auditeurs de la RTF. Résultat du grand concours, avant la fin du mois, c'est promis. Réponse à François Dalifard, oui, c'est bien lui, Isidore Beautrelet. Et merci pour l'os. Bravo Marie-Noël, Bernadette et Muriel de Melun. Le Yeti est très réussi, mais bien entendu, il ne pourra participer au concours, clos depuis très longtemps, vous le savez. Toutes les amitiés de l'équipe à Dominique Lotaudet, Didier et Gérard Cousin. Bonjour Didier et Gérard. Aussi à Claude Sternin, dont nous enregistrons la demande de dessin. Inutile de nous envoyer même une simple enveloppe, Claude. Merci quand même. Entendu Yves Trécat, Odile Brel. Oui, Odile, je crois que le film va se faire. Bien sûr, pourquoi pas dans tous les cinémas. Et merci. Marianne est inscrite aussi, ainsi que son papa. Amitié à Bernard Foulon de Tours, tout à fait de ton avis pour le dessin original, Bernard. Christian Siroux est très exigeant et nous demande plusieurs dessins différents. Oui, mais je crois qu'Hergé a l'intention de contenter tout le monde en dessinant les principaux personnages de ses célèbres aventures. C'est en tout cas ce qu'il nous a dit. Merci Jean-Pierre Ribes et ses grandes sœurs, André Gély de Montpellier. Idem à Jean-Pierre, Christian et Didier Duchiron, qui arrosent symboliquement l'équipe de Tintin de cadeaux appropriés. Dans sa lettre, Jean-Pierre affirme que son chien Ariel répond à Milou quand celui-ci aboie. J'aimerais bien savoir ce qu'il lui dit, moi. Oui, moi aussi. Pour faire plaisir à Jean-Louis Souche de Montpellier, nous lui envoyons toutes nos amitiés, celles de Tintin, du Capitaine, de Tournesol et de Milou. Entendu, Jean-Louis, pour le dessin. Une gentille lettre de François Caroff de Levallois. Merci, François. Un grand bonjour à Michel Prudent, que nous rassurons tout de suite. Oui, Michel, il y aura tout le monde. Et merci. Bravo François Deschamps et entendu pour le dessin, amitié pour toi et pour Denis. Bien reçu la lettre de Michel Baraille, porte-parole de ses compagnes. Très heureux d'avoir pu vous être agréable, Michel. Compliments à Michel Pichard et une poignée de main de Tintin. De quel groupe Tintin voulez-vous parler, Jean-Pierre et Jean-Michel Jamme? Donnez-nous des précisions, s'il vous plaît. Mais bien sûr, nous suivons fidèlement les livres d'Hergé. Je ne vois d'ailleurs pas ce que nous pourrions y changer. Eh non. Un amical salut à Jean-Louis Ragimbaud de Montpellier. Bien reçu la lettre de Maurice Métis de Montpellier aussi. Et vive les étudiants. Entendu pour le dessin. Mêmes assurances à Emmanuel Merch. Et petite question. Quel est le premier livre d'Hergé, à ton avis, Emmanuel? Félicitations de Claude Mourmand, une jeune auditrice de 13 ans, transmise à Tintin et amitié à tous. Isabelle, Anne-Marie, Françoise et bien entendu la signataire Claude, à qui nous annonçons le début de l'oreille cassée pour le 2 mai. Une amicale poignée de main à Olivier Marandin, dont nous avons lu très attentivement la lettre après l'avoir fait lire à Tintin. C'est tout pour le courrier d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner votre avis sur le feuilleton. Toutes vos remarques et suggestions sont accueillies par toute l'équipe avec beaucoup d'intérêt. Et si vous désirez le dessin original d'Hergé, vous n'avez qu'à nous le demander. Mais surtout, ne nous envoyez jamais ni timbre ni enveloppe à votre nom. Nous rappelons notre adresse aux étourdis qui l'auraient oublié. Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris, 7e. Là-dessus, nous vous disons bonsoir et à très bientôt. Au revoir à tous. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 6e épisode. Le professeur Tournesol vient de quitter la demeure de son ami Haddock pour se rendre à un congrès de physique nucléaire à Genève. Le brave homme, en faisant ses adieux, avait l'air préoccupé, ce qui n'a pas échappé à Tintin. Et nous, qui en quelque sorte assurons le reportage de cette histoire, nous savons que Tournesol, en se rendant à la gare de Moulinsart, a, de justesse, échappé à un attentat. Au château, cependant, le capitaine raconte au Dupont-Dupont les événements mystérieux dont sa propriété, depuis hier, a été le théâtre. Et, pour clore l'entretien, il demande aux policiers de n'en souffler mot. Motus et Bouche Cousue, vous connaissez leur devise. Rien ne transpirera, un bœuf sur la langue, discrétion et célérité. C'est promis, c'est juré. Oui, seulement le lendemain matin à la première heure, dans toutes les capitales d'ici et d'ailleurs, les crieurs de journaux lancent leurs gros titres. Et ces gros titres, quels sont-ils ? Demandez libération dimanche ! Libération dimanche ! Le mystère de Moulinsart ! Toute une région vit dans la terreur ! Demandez libération dimanche ! Demandez tous les Hamburger Tageblatt, was ist los in Moulinsart? Etwas Neues in Moulinsart? Il popolo, il popolo, la grande panica nel castello del signor Haddock. Edizione Le mystère du verre brisé, un rayon invisible est-il dirigé sur Moulinsart? Les dernières nouvelles de Moulinsart. Demandez, demandez le petit Suisse et tout ce Magazine, The Mystery of Moulinsart. Alarm means Cotillard Yard. All the story of Moulinsart. London Magazine, The Mystery of the Captain's Castle. On le voit, le secret a été bien gardé par les Dupont-Dupont. Ils auront certainement droit au compliment du capitaine Haddock, quand celui-ci se sera remis du coup qu'il attend en ce beau dimanche d'été. En effet, alerté par les premières éditions des journaux, les curieux de tous âges se sont rendus en foule devant le parc, dont la grille était heureusement fermée. Dehors, c'est maintenant une sorte de foire. Marchands de glace, photographes ambulants, marchands de fruits, marchands de ballons, cars de touristes... La télévision est là, elle aussi. Caméra braquée sur le château. On veut savoir ce qu'est ce mystérieux rayon et on voudrait bien voir aussi ses effets. Aussi, certains badauds ont-ils passé la nuit sous la tente pour être aux premières loges. Un vieil homme en profite pour faire chanter son orgue de barbarie. Un autre, plus pratique, vend des souvenirs de Moulinsart. Et il y a dans tout ça beaucoup de couleurs, du mouvement, de la joie, des cris. On pique-nique même, en famille, au son de l'indispensable transistor. Mais écoutez plutôt. Pas de doute, c'est bien la fête. La fête, oui, mais pas pour tout le monde. Non, mais regardez-moi cette bande d'hurluberlus. Et tout ça attend avec impatience le moment où nos dernières vitres voleront en éclats. Ah, c'est certain, capitaine. J'ai l'impression qu'ils en seront pour leurs frais. Ah oui ? Que voulez-vous dire ? Marchons un peu dans le parc, voulez-vous ? D'abord, ça nous éloignera de ce tintamarre, et puis je verrai si l'idée que j'ai est bonne. Une idée à propos de quoi ? À propos de ce qui nous tourmente, capitaine. Allons, Milou, laisse ce merde tranquille, veux-tu ? Allons ! Alors ? Voilà, capitaine. Je sais que notre ami Tournesol déteste qu'on pénètre dans l'ancien pavillon du jardinier où il a installé son laboratoire. Oh, là-dessus, ne plaisante pas. Oui. Oui, eh bien, j'aimerais quand même y jeter un coup d'œil dans ce laboratoire. Vous avez la clé, n'est-ce pas ? Bien sûr, tenez. La voilà. Oh, mais quel est votre but ? J'ai beaucoup réfléchi à toute cette histoire et une chose m'a frappé. Vous m'intéressez, laquelle ? Voilà. Tous ces bris de verre se sont produits alors que Tournesol se trouvait dans son laboratoire. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que depuis son départ pour Genève, rien ne s'est passé. Mais si je vous comprends, vous faites de notre bon Tryphon le responsable de tous ces événements. Oh non, attendez, capitaine. Mais c'est de la folie pure, voyons. Ah, nous y sommes. Alors, je ne prétends rien, capitaine, j'essaie seulement d'y voir clair, quoi. Voilà, après vous, je vous en prie. Oh, qu'est-ce que c'est que ces espèces de bols géants ? Oh, des miroirs paraboliques, sans doute. Paraboliques et déformants, regardez la tête que j'ai là-dedans. Oh, capitaine, vous ne sentez rien ? Ça sent le tabac, tout simplement. Ah, c'est ça, le tabac, mais Tournesol ne fume pas. Oh, mille sabords, c'est vrai ce que vous dites. Attendez, je vais jeter un coup d'œil dans la pièce à côté. Soyez prudent, hein. Ah, oh la vache ! Arrêtez cet homme, capitaine ! Halte-la, mon gaillard, pas si vite ! Oh ! Vas-y, Milou, j'arrive, vas-y ! Sale chien ! Oh, le bandit ! Oh, zut ! Zut, zut et zut, trop tard, il s'est enfui dans le parc. Oh, oh, mais il s'abat. Oh, oh là, oh. Hein ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça par terre ? Un paquet de cigarettes et une clé de voiture. C'est intéressant, regardez, capitaine. Regardez ce qui est tombé de sa poche avec le morceau d'imperméable que Milou lui a consciencieusement arraché. Et alors ? Un paquet de cigarettes macédonien et une clé de contact FA-5251. Ce sont deux indices précieux, non ? Mais vous avez raison. Et moi, j'en retiens le plus. Le zèbre à gauche du tonnerre de Brest. Ah, c'est un gaillard. Il a poussé la porte si fort qu'elle m'a renversé. Puis vous, vous avez pris. Oh, si jamais je le retrouve, mille sabots. Et en attendant, regardez donc dans ce coin. Oh, des morceaux de verre. Il y en a, hein. Oh, mais vous aviez raison, mille sabots. C'est bien Tournesol qui a... Oh, les mains Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Jean Bolo, l'homme masqué, et les voix de Pierre Laurent, Jacques Aveline, Robert Verani, Marcel Lestang et Jacques Muller, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Mais oui, c'est encore nous. Comme vous nous le demandez souvent, nous répondons à vos lettres et adressons un amical salut, une bise ou une poignée de main au choix, aux amis de Tintin dont les noms vont suivre. Ouvrons notre carton de courrier, nous y puisons la lettre de Jean-Michel Berthet qui envoie des fleurs à notre ami Sarfati, compliment transmis, et nous demande si nous adapterons les cigares du Pharaon et le Lotus Bleu. Mais c'est dans nos projets, Jean-Michel, pour la rentrée de septembre. Entendu pour Milou. Ah ah, encore un jeune auditeur un peu étourdi qui nous envoie seulement maintenant son portrait de l'abominable homme des neiges. Notre concours Rémi Ferret est clos depuis le 15 novembre 60, et les résultats vont être proclamés ces jours-ci. La prochaine fois, écoute bien et retiens la date de clôture. Merci et entendu pour le dessin d'Hergé. Réponse maintenant à un jeune auditeur qui habite, dit-il, un petit village des Landes. Notre ami s'appelle Francis et nous demande l'âge du capitaine Haddock. C'est une question que nous n'avons pas osé lui poser car il est très susceptible, mais à vue d'œil, il doit avoir dans les, je ne sais pas moi, enfin 50 ans. Dommage, Francis, que tu n'aies pas écouté le feuilleton de la RTF plus tôt, car nous avons diffusé le sceptre d'autocar entre le 17 mai et le 28 juin 60. Mais non, tu n'en demandes pas trop, et ne te gêne pas quand tu auras besoin de renseignements. Une jolie carte de visite émanant de Marie-Thérèse Miffre de Paris. Mais oui, Marie-Thérèse, Tintin a des parents, et son papa est très connu, c'est Monsieur Hergé. Et voilà encore des reproches à propos de la durée du feuilleton. Les épisodes sont trop courts, dit-on. Eh bien, encore une fois, disons à nos jeunes amis que nous ne sommes pas d'accord avec eux là-dessus. 11 minutes chaque fois, cela fait plus d'une demi-heure chaque semaine. Cette demi-heure ajoutée aux émissions du jeudi après-midi devrait vous convaincre que la RTF s'intéresse à ses jeunes auditeurs. Et ces menus reproches sont gentiment formulés par Annie Fraisse Guenbeau de Louveciennes. Oui, c'est une lettre qu'Annie a écrite au nom de ses frères et sœurs Annie et Gilles et que sa maman a bien voulu contresigner. Merci, madame. Annie se demande si Milou est un vrai chien tellement il est bien imité. Alors, Annie, est-ce que ça n'est pas vivant, ce cri ? Enfin, toutes nos amitiés et nos remerciements à notre jeune auditrice qui agrémente sa lettre de si jolis dessins. Oui, ils sont très soignés, comme la lettre elle-même d'ailleurs. À bientôt. Ah, encore une amie de Montpellier, José Miras, à qui nous rappelons tout de suite notre adresse afin qu'elle la note, car elle s'avoue distraite. Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Entendu, José, pour la photo de Tintin, et bon anniversaire, avec un peu de retard, et par conséquent, avec nos excuses. Une très longue et gentille lettre de Marie-Hélène Cassabois, de l'île de la Réunion. Elle nous raconte très simplement les défauts de son petit chien à elle, qui s'appelle aussi Milou. Elle fait des compliments à Tintin et à son compagnon, plus raisonnable que le sien, dit-elle. Elle louange le capitaine Haddock, qui met le sourire sur toutes les lèvres. Enfin, elle souhaite que son petit frère ressemble à notre héros. Merci Marie-Hélène, et entendu pour le dessin. Nos amitiés à toute la famille Cassabois, des Grands Bois, Réunion. Et une bise à Marie-Lys et à Charles-Henri. Réponse à un jeune auditeur déjà nommé. Non, nous ne fournissons pas de livres, mais nous en offrons aux gagnants de nos concours et de nos jeux. Comme cela s'est produit au Salon de la Radio et va se produire après les résultats de notre grand concours de dessin. Mais oui, bien sûr, nous organiserons d'autres concours pour ceux qui n'ont pas pu participer au dernier. Amitié de Tintin à toute la famille Grosjean de Paris et demande enregistrée. Message de Patrick Becker transmis au capitaine et au Dupont-Dupont. D'accord pour le dessin, Patrice. Réponse à Philippe Kaminski. Nous n'avons jamais reçu de lettre confirmant ce que tu nous dis à propos des histoires inédites. Mais le principal est qu'elle te passionne, toi. Ta demande a été enregistrée, Philippe. Ici s'arrête notre petit bavardage. À très bientôt tous. Bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 7e épisode. Le capitaine Haddock tenait beaucoup parce que cette histoire d'objet de verre se brisant tout seul ne s'ébruite pas. Hélas, notre ami a eu grand tort de tout raconter aux Dupont-Dupont, qui sont, comme vous le savez, des gaffeurs inimitables. Sans y mettre de mauvaises intentions, ils ont certainement bavardé, car le lendemain de leur entretien avec Haddock, tous les journaux européens parlent d'un mystérieux rayon invisible qui, à Moulinsart, etc., etc. Cette sensationnelle nouvelle a provoqué une concentration de curieux dans les environs immédiats du château, ce qui évidemment met le capitaine en rage. Tintin, lui, essaie surtout d'expliquer le phénomène qui pulvérise miroirs, lustres, vases, verres, etc. Là-dessus, il a son idée et emmène Haddock dans le fond du parc à cet ancien pavillon de jardinier que Tournesol a transformé en laboratoire. Le vieux savant est parti pour Genève et ses deux amis pénètrent dans son domaine. Ils y découvrent bientôt un inconnu masqué qui les bouscule et réussit à s'échapper. Deux indices restent pourtant entre les mains de Tintin, un paquet de cigarettes étrangères et une clé de voiture. Une autre découverte les inquiète. Tout un stock de débris de verre entassés dans des caisses. Regardez ça. Au moment où ils vont sortir du pavillon, une voix derrière eux lance un ordre. Où les mains ? Ah ! Tenez ! C'est une bonne blague, hein, camarade. Oh. Irrésistible. Vous êtes vraiment très drôle, vous savez. Oh, vous, mille milliards de mille sabords, je voudrais vous... Ah, le coup du haut les mains, ça ne rate jamais. Et vous trouvez ça spirituel, espèce de... Donc maintenant, vous allez être content, j'ai votre contrat d'assurance. Capitaine. Quoi ? Regardez ce qui est écrit au crayon sur le paquet de cigarettes que l'homme masqué a laissé tomber entre nos mains. Donnez. Regardez. Genève, hôtel Cornavin. Oui. Mais tonnerre, c'est l'hôtel où Trifon a l'habitude de descendre. Exactement. Mille milliards de mille sabords. Je vous ai mitonné, Anne. Fichez-moi la paix avec votre assurance. Ça va bien, hein ? Capitaine, quelque chose me dit que Tournesol est en danger à Genève, je pars l'y rejoindre. Quoi ? Comment ? Je vais à Genève pour veiller sur le professeur. Ah oui. Et vous croyez sans doute que je vais vous laisser filer tout seul, hein? Mais je voulais dire que... Pas question, je vous accompagne. Mais d'accord, entendu, capitaine, au contraire. Ah, je vais retrouver votre sacrée assurance. En avant, à Genève. Mais attention, attention, mais non, si, attention. Voyons, mais votre assurance. Tournesol est en danger, ses amis, voilà son secours. Et vous, le lampion, mettez-vous en veilleuse, compris? Allez placer vos assurances ailleurs. En route, Tintin. Je vous suis, capitaine. Mais vous n'avez pas signé, mais attendez. Allô? Allô, hôtel Carnavin? Monsieur Sprincott, je vous prie. C'est urgent. Merci. Allô? Allô, Stéphane? Oui, c'est moi, Arnaud. Dis donc, il faut faire vite là-bas, hein? Ses amis viennent de prendre l'avion pour Genève. Oui. Bon, entendu. Au revoir. Pressentant que le professeur était en danger, Haddock, Tintin et Milou n'ont pas hésité une seconde et ils ont sauté dans le premier avion qui partait pour Genève. Malheureusement, ils n'ont pas pu entendre l'appel téléphonique que nous venons de capter. Pas plus qu'ils n'ont vu l'inconnu qui le lançait. Cet homme est coiffé d'un chapeau vert olive, un ruban vert pomme et est vêtu d'une gabardine bleue ardoise. Il ressemble étrangement à l'une des deux silhouettes entrevues dans le parc de Moulinsart au début de cette histoire. Vous vous rappelez? Il a un nez de boxeur. Et quand il a perdu son chapeau dans le laboratoire de Tournesol, après avoir mis à Doc Knockout, nous avons vu que son crâne était rasé. Inquiétant tout ça, très inquiétant. Et ce qui ne nous rassure pas, c'est la présence à l'aéroport de Genève-Cointrin de deux autres inconnus, en chapeau vert et en gabardine bleu ardoise également. Décidément, c'est un uniforme. Ces deux-là paraissent guettés. Alors c'est bien compris, hein. Ouais. S'ils sont dans cet avion, nous filons les attendre à la gare de Genève, au terminus des cars de la Suissère. D'accord. Tiens, on avance l'échelle. Tu sauras les reconnaître. Bah, t'as vu les photos comme moi, mais sois tranquille, il n'y a pas d'erreur possible. Ouh. Voilà. Tiens, les voilà. Ah oui. Tiens, le garçon et son chien blanc et le barbu derrière en uniforme. Très reconnaissable en effet. Alors maintenant en voiture, hein. Il faut que nous soyons avant eux au terminus des cars. L'affaire s'annonce bien. Et en route, mon gros. Trois quarts d'heure plus tard, nous sommes au terminus des cars de la Suissère. La terrasse d'un grand café. Les deux guetteurs en chapeau vert sont là, attablés devant deux grenadines. Attention, les voilà! Alors, tu sais ce que tu dois faire, hein? Je suis pas un débutant. Bon, quand ils passeront près de nous, tu te lèves, tu les bouscules, tu les injuries. Oh, ça soit tranquille. Ils se fâchent, vous vous empoignez, tout ça leur fait perdre du temps et... Ensuite, c'est raté un gendarme. Rassieds-toi. Que les moustaches de plexiglas l'étranglent. Ah. Il va falloir tenter autre chose. Bien. Bon, monsieur l'agent, voulez-vous me dire où se trouve l'hôtel Cornavin, s'il vous plaît? Ah, vous y êtes presque. On est de l'autre côté de la rue, là. Ah, en effet, oui. Merci. Merci beaucoup. À votre service, enfin, monsieur. Dans quelques minutes, nous serons près de ce vieux Trifon. Ah, la réception, c'est là, capitaine. Monsieur Tournesol est-il descendu ici, je vous prie? Monsieur Tournesol, mais parfaitement. Sa clé n'est pas au tableau, il est dans sa chambre. Ouf, je respire. Voulez-vous lui annoncer le capitaine Haddock et Tintin, je vous prie? Mais tout de suite, monsieur. Alors? C'est curieux, il ne répond pas. Pourtant, il doit être chez lui. Peut-être n'entend-il pas. Nous allons y aller. Quel est le numéro de sa chambre? Le 122, au quatrième étage. L'ascenseur est là, sur votre droite. Merci beaucoup. Comment se fait-il qu'il ne réponde pas? Oh, connaissant Trifon, ça ne m'inquiète pas. Oui, évidemment. Au quatrième. Bien, monsieur. et en route pour le quatrième étage. Mais à peine leur ascenseur est-il parti que celui d'à côté descend. À travers la grille, on aperçoit déjà le pantalon rouge du liftier. Et un pantalon noir étriqué, une redingote verte, mais pas de doute, c'est lui, c'est bien lui. Mais oui, c'est Tournesol, c'est le professeur Tournesol lui-même. Quelle malchance. Nos amis se sont croisés sans se voir. Et le petit homme quitte l'hôtel par la porte à tambour. Décidément, il ne répond pas. Ah, je sais bien qu'il est sourd, mais il s'aborde, mais tout de même. Vite, redescendons, capitaine. Je suis inquiet. Il a dû lui arriver quelque chose. Oui, mais comment savoir? Nous allons voir à la réception encore une fois. Nos amis redescendent l'escalier 4 à 4 et se précipitent vers le vieil homme qui les a accueillis tout à l'heure. Et vous savez, Monsieur Tournesol n'est pas dans sa chambre, hein? Pas dans sa chambre? Mais alors sa clé devrait être ici, au tableau. Bah, tenez, la voilà sur votre bureau. Le 122, vous avez raison. Oh, veuillez m'excuser, monsieur, je suis confus. Ce monsieur a dû sortir pendant que j'avais le dos tourné. Mais vous ne voyez pas où il a pu aller. Attendez, je... Ah! Oh, j'y suis, oui, ce matin, monsieur Tournesol m'a demandé les heures des trains pour Nyon. Nyon? Vous êtes sûr? Certain. Je les lui ai donné, il m'a dit qu'il prendrait celui de 16h40. Si vous vous dépêchez, vous pourrez le rejoindre à la gare. Merci beaucoup. Vite, capitaine, à la gare. Il nous reste tout juste à peu près 7 minutes. Oh, allez. Tonnerre. Attention, ils arrivent. Cette fois, je vais pas les rater. J'ai mon idée. J'avance le pied et hop, tu vas voir. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langer, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Hilling, le capitaine Haddock, Jacques Muller, Séraphin Lampion, Jean Bollot, l'homme masqué, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nazil, l'homme au crâne rasé, Gaëtan Genre, l'homme de la réception, avec les voix de Michel Masson et Michel Barset, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem, réalisation, René Villemay. À tous les amis de Tintin, juste quelques mots, pour dire à ceux dont les noms suivent que nous avons pris bonne note de leur demande. Patrick Bianic de Brest, André Perrier de Toulouse, Christian Lottin dans le Loiret, Jean-Bernard Pichard dans l'Orne, Michel Ourdiot dans l'Hérault, Christian Michon de Puteau, Jean-Claude Lahasse de Digne, Henri Boulanger de Fontainebleau. Notre liste s'arrête là ce soir car il nous reste très peu de temps et je voudrais encore demander à nos jeunes amis de ne jamais nous envoyer de timbres. Ils restent inemployés dans une enveloppe et c'est dommage. Réponse à des questions précises, le prochain feuilleton, ce sera l'oreille cassée. Oui, il y aura un nouveau concours à la rentrée. Toutes vos amitiés sont régulièrement transmises à Tintin. Nous vous remercions encore tous pour vos dessins, vos poèmes, bref, toutes les choses toujours agréables que vous nous adressez. Et de notre côté, nous vous envoyons toutes les amitiés de l'équipe Tintin, de la RTF. À très bientôt tous. Bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langer, réalisé par René Villemay. L'affaire Tournesol, 8e épisode. Le professeur Tournesol est parti à Genève où il doit participer à un congrès de physique nucléaire. Mais à peine a-t-il quitté le château de Moulinsart que, sans le savoir, il échappe de justesse à un attentat. En son absence, ses amis Tintin et Haddock, visitant son laboratoire, y découvrent un inconnu qui réussit à s'enfuir. Désormais, leur conviction est faite, le savant est en danger. Toutes affaires cessantes, il gagne la Suisse. Mais les conversations que nous avons surprises, les coups de téléphone mystérieux, la présence d'individus surveillant de près nos deux amis... Tout ça nous permet de prévoir une aventure mouvementée. En ce moment, Haddock et Tintin sortent de l'hôtel Cornavin que Tournesol vient de quitter. Ils espèrent rattraper le savant à la gare avant son départ pour Nyon. Mais il ne leur reste plus que 7 minutes. Dans le hall de l'hôtel, quelques personnes, dont deux hommes en gabardine bleu ardoise et chapeau vert. L'un, le plus mince, à petite moustache, est assis et fait semblant de lire un journal. Nos deux amis vont passer devant lui. Oh! L'homme vient brusquement d'allonger sa jambe, faisant ainsi un barrage à celle du capitaine. Oh! Oh! Tenez! Oh, mille millions de mille sabords. Vous pourriez pas regarder devant vous, non? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Capitaine, calmez-vous. Je dis que... Taisez-vous! Ce serait plutôt à vous de vous excuser, malotru. C'est vous qui avez avancé le pied. Comment? Vous avez encore le toupet de m'insulter, espèce de marinier. Comment marinier? Moi, capitaine, je vous en prie, capitaine. Mille milliards de mille sabords, je vais vous montrer, moi. Nous allons manquer tournesol, capitaine. Oh, vous avez raison. Quand on est aussi maladroit, on reste chez soi, Oh, vous avez de la chance que je sois pressé. Allez, je vous en prie, venez. Ah, ah, ah, ah, monsieur est pressé. Facile à dire. Parfaitement, je suis pressé. Je vous produis des coplas. Ah! Oh, vous pouvez pas. Arrêtez. Mécanique, tenez. Oh! Aïe, Eh bien, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé? J'ai oublié que c'était une porte tournante et je l'ai poussée un peu fort, voilà. Oh là là là, pas trop de mal? Non, pas trop. Alors, ramassons très vite ce qu'il y avait dans votre valise. Là, et pensez à en faire réparer la serrure, hein. Soyez tranquille. Le blaireau, le miroir, il n'est pas cassé, c'est une chance. Bon, ça suffit, Mais quoi. Tais-toi, Milou, je t'en prie. Voyons, mes babouches, le peigne, ma brosse. Oh, quel bric-à-brac. Et les passants qui nous regardent en rigolant. Oh, tenez. Tout est remis en vrac dans la valise et nos trois amis galopent vers la gare. Ouais, il pourvu que nous arrivions à temps. Hein. Oh, si je le retrouve, ce bougre le papou des Carpates. Ah, quai numéro 3, nous y sommes. Ah, un contrôleur. Pardon, monsieur, le train pour Nyon, s'il vous plaît. Vous l'avez manqué, monsieur. Quoi? Un peu, mais vous l'avez manqué. Oh, mais le tonnerre de Brest. Vous voyez, c'est celui qui s'en va là-bas. À une minute près. Eh bien, merci beaucoup. Venez, capitaine, on s'en va. Oh, mille millions de mille sabords. Tout ça à cause de ce minus à tête dingue. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de retourner là-bas. Eh bien, c'est une idée, retournons-y. D'accord. À l'hôtel Corman. On va bien. Non, rien du tout, capitaine. Nous avons trop de choses à faire pour nous lancer dans des combats singuliers. Bon, bon, ça va, n'en parlons plus, mais si je le rencontre un jour... Oh, je t'en prie, Milou, ce n'est pas le moment, hein. Nos trois amis regagnent l'hôtel. Haddock remarchant sa colère, Tintin réfléchissant profondément. Derrière eux, Milou, qui ne dit rien, mais n'en passe pas moins. Pardon, c'est encore nous. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si Monsieur Tournesol a téléphoné depuis son arrivée dans votre établissement? Un instant, je vous prie, messieurs, je vais m'informer. Allô, standard? Ici la réception. J'aimerais savoir si le 122 a demandé l'extérieur depuis son arrivée. Oui, oui, le 122, j'attends. Nous allons avoir le renseignement tout de suite. Parfait, merci. Allô? Ah, deux fois. Le 9-51-03 à Nyon. Parfait, je vous remercie. Et messieurs, notre client a appelé deux fois Nyon. Oui, nous avons entendu, le 95103, merci beaucoup. Puis-je téléphoner d'ici? Mais certainement, monsieur. Oh, merci beaucoup. Mais à qui voulez-vous téléphoner? Vous allez voir. Allô, les renseignements? Bonjour mademoiselle, pouvez-vous me donner le nom et l'adresse de l'abonné numéro 95103 à Nyon? Oui, d'accord, j'attends. J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à M. Tournesol. Non, mais nous aimerions le rejoindre le plus vite possible. Allô? Oui, oui, comment? Oh, une seconde, je note, s'il vous plaît. Alors, j'écoute. Topolino Alfredo, oui? 57 bis. 57 bis, route de Saint-Sergue à Nyon. Parfait. Merci, mademoiselle. Eh bien, en route, capitaine, il faut trouver un taxi. Merci beaucoup, monsieur. Tiens, le Zeb de tout à l'heure a disparu. Il a de la chance, mais il tenait. Oh, Mila! Alors, cette fois-ci, capitaine, attention à la porte tambour, hein. Oh, on va dire en ligne, je vous en prie, hein. Ah, zut, voilà la pluie, maintenant. Manquez plus que ça. Taxi! Taxi! Tintin, voilà. Ah, oui. Voulez-vous nous conduire à Nyon, route de Saint-Sergue, s'il vous plaît? Nous sommes pressés. Entendu, montez par le bord du lac, ça ne sera pas long. Parfait. Le taxi rouge et vert sort de Genève et prend la route de Nyon. Peu de voitures et le taxi marche à bonne allure malgré la pluie. Les passagers sont plongés dans leurs réflexions et n'ont pas vu une traction avant noire qui les suit depuis Genève, sans toutefois chercher à les dépasser. Une chose qui m'intrigue, capitaine. Ah oui ? Et quoi donc ? Le bonhomme masqué que nous avons surpris dans le laboratoire de Tournesol et celui qui vous a fait trébucher dans le hall de l'hôtel portaient la même gabardine bleu ardoise. Ah, j'ai remarqué. Enfin ! Tiens, la traction avant se rapproche. Elle déboîte. Elle va doubler le taxi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vas-y, Stéphane, dépasse-les ! Ça va pas être difficile, regarde. Ils doutent de rien. Maintenant, je vais me rabattre. Avance encore un peu. Là, vas-y ! Une queue de poisson et un coup de frein. Hop ! Admire le travail. Attention, tonnerre! L'attraction devant nous! On dérape! Trop tard! Le talus! Mais redressez, voyons, redressez votre volant! Le lac! Le taxi, vous avez vu, il a disparu! Il faut faire quelque chose! Vite! Vite! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Pierre-Olivier Stéphane, Maurice Nazil, l'homme au crâne rasé, Gaëtan Genre, l'homme de la réception, Marcel Lestan, le contrôleur, et les voix de Jacques Aveline, Michel Masson et Nicolas Amato, avec Milou. Chef opérateur du son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production Josiane Clem, réalisation René Villemet. Alors jeunes amis, comment trouvez-vous l'affaire Tournesol ? Les personnages vous plaisent-ils ? Y a-t-il assez de suspense ? Bref, dites-nous tout ce que vous inspire cette nouvelle aventure, en long, en large et en travers. Ne vous gênez pas pour nous donner votre opinion. Oui, car beaucoup d'entre vous disent avoir longtemps hésité avant de nous écrire. Vous savez bien que nous sommes entre amis. Est-ce qu'on hésite à écrire à des amis ? Non ? Alors, sur ce, ouvrons notre carton géant pour en tirer la lettre de Didier et de Jeannine Mandras de Frontignan. Merci à ces jeunes amis et joyeux anniversaire, avec un peu d'avance. Joyeux anniversaire quand même à Jeannine et à Didier. Et tous nos remerciements, Madame Mandras. Non, Marie-Claude Marchadier, vous n'êtes pas en retard pour le dessin d'Hergé. Entendu, amitié transmise. Nous partageons les regrets de Jacques Talarmin à propos du concours, mais ce sera pour la prochaine fois. Les ouvrages que tu cites, Jacques, passeront sans doute à la rentrée de septembre. Nous avons fait suivre tes amitiés acquis de droit. Bien reçu la gentille lettre de Pierre Dornbach, entendu pour le dessin original d'Hergé réservé aux auditeurs de la RTF. Le trésor de Racam le Rouge, Pierre, a été diffusé l'année dernière. Désolé. Et puisque tu embrasses toute la compagnie, avant de te quitter pour aujourd'hui, toute la compagnie t'embrasse. Et voilà un anonyme de Damarie Lélis qui signe simplement Daniel. Il se reconnaîtra sûrement. Mais oui, alors nous informons Didier que le Lotus Bleu sera diffusé, selon toute vraisemblance, dans les derniers mois de cette année. Amitié de ce jeune auditeur transmise, en retour, toutes celles de Tintin et de l'équipe. Mais maintenant c'est l'heure, nous vous laissons jusqu'à très bientôt. Au revoir. Ces épisodes... Les épisodes 5, 6, 7 et 8 ont été diffusés pour la première fois sur France 2 régionale les 14, 16, 18 et 21 mars 1961. À suivre, et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger ainsi que les épisodes précédents sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».